voudrais rebondir sur ce qu'a dit Maurice. Ah, Benoît Delepine attaque direct derrière la reprise. Non, j'attaque pas direct, mais vraiment, sincèrement, je pense que qu'importe ce que pensent les gens, ils ont le droit de penser exactement tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire et penser tout ce qu'ils veulent. Mais, et on s'en fout d'ailleurs, je veux dire, ce qui est important pour un artiste, c'est d'arriver à recréer des univers, enfin, d'arriver à avoir des visions comme ça. Et il a des visions, il a un univers, il a une atmosphère dans ses bouquins. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec notre bande dessinée avec Stan Evans. Effectivement, j'ai construit un monde de briques et de brocs, de néo-marxisme et de tout ce que tu veux, mais ça, c'est un peu le décor, quoi. Mais non, mais ce qui est important, c'est une vision artistique. Hein. Et ma vision artistique, par exemple, sur Godkiller, c'est un curé défroqué qui s'envoie dans le pif une nouvelle drogue qui se transplante dans des univers picturaux fous, et là, il tombe sur le tableau de Goya. Ce monstre et lui, en voyant ce tableau, il a une vision. Tout à coup, il se rend compte que les dieux existent comme il le croyait, mais que en fait ils se nourrissent de nos âmes. Voilà, point. On ne le voit pas, mais on l'entend dans Horizontex feuillet. Donc en fait, c'est ça la vision de l'album, c'est ça. Après, il faut monter toute une histoire autour de tout ça, en faire un héros, en faire mon... Donc ancien curé, très drogué, un peu pédophile. Bon, il a été à un moment, il y a eu un sale moment. Ouais, il y a eu un sale moment, ouais, on peut dire ça, ouais. Donc il est au banc de la société, au fond, bien aussi, mais enfin, il se rattrape en faisant... Il est détective privé, enfin justement, il profite de ses anciens copains curés devenus indiques, ils sont tous dans des sectes pour avoir son petit carnet de... Et il cherche quelqu'un. Il cherche un fils de milliardaire enlevé par un gourou, un petit gourou de quartier. Il ne cherche pas qu'un fils de milliardaire. Ah, il cherche aussi justement son ancien amour, son jeune amour. Il a été limite avec elle, non? Non, c'est une vraie histoire d'amour. Ouais. Ouais, bah oui. Ok. Stan Evans, dont vous parliez. Deux dessinateurs très talentueux, très prisés dans le monde de la bande dessinée. Vous les avez rencontrés comment? Ben, je sais pas, j'avais cette histoire dans la tête. Je parlais à mon éditeur chez Albin, et lui, il m'a présenté ses gens. Mais bon, effectivement, je connaissais pas ce qu'il faisait, mais j'ai lu leur premier album, Parasite. Et l'autre, j'espère que... Mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et puis, il m'a présenté aussi ce qu'il faisait par ailleurs. Une série qui s'appelle Vortex, qui est plus comique. La Vortex, quatrième roman. Et avec eux, on s'est lancé dans... Mais ils ont dû vraiment, avec moi, complètement changer leur style. Enfin, je pense que le troisième album, là, il est vraiment... ils ont trouvé un style graphique mais incroyable et super abouti. Autant par leur talent de dessinateur, mais aussi d'informatique. Ils travaillent aussi beaucoup avec sur machine. Mais pour moi, c'est l'équivalent de film, quoi. C'est quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas par cœur votre parcours, je rappelle que vous avez écrit pendant un temps pour les Guignols de Canal+, que vous écrivez toujours pour Groland, toujours sur Canal. Mmh. Vous avez écrit et mis en scène aussi un film. Avec Gustave Carverne, on a sorti un film Alpha, en 2004. Et alors moi, je parierais bien que cet ovni deviendra un jour film culte, un ovni. Un truc dément. Je le conseille à ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un truc mais absolument dément de toutes ces activités. Et là, cet été, on a tourné le deuxième avec Gus, mais complètement à l'arraché, avec quand même Mathieu Kassovitz qui nous a donné un peu d'argent pour le faire, ce qui est absolument génial. C'est-à-dire sur 30 pages, il a dit c'est génial, je fonce. Mathieu Kassovitz, il n'est pas en train d'adapter Babylon Babies au cinéma? Voilà, c'est pour ça que je parlais de lui, enfin de toi avec lui aussi. Oui. Vous participez à l'écriture du scénario? Non. Non, vous laissez faire? Oui, un réalisateur, si vous voulez, je dirais, dépense déjà assez d'argent pour acheter les droits cinématographiques d'un livre sans qu'il ait en plus un titre qui vienne constamment sur son dos. Bon, on s'est rencontrés, je lui ai dit à peu près, moi, ce que j'avais à dire, si vous voulez, puis après, bon, c'est le metteur en scène, c'est sa job, si vous voulez, comme on dit chez nous, voilà quoi. Aviez-vous été satisfait de l'adaptation de La Sirène Rouge? Joker. Non, pas Joker. Disons que j'ai été un peu déçu, mais je suis pas non plus quelqu'un qui a envie d'entrer dans ce genre de... J'allais dire de... Honnêtement, je vous le dis, quoi. J'ai été un peu déçu, oui, c'est vrai. Ça arrive. Oui. On sait jamais, vous vendez, mais vous transmettez. Oui, donc, vous vendez vos droits, bon, après... Maîtrisez plus. Bah non, mais vous n'allez pas non plus... De toute façon, vous pouvez pas, vous avez vendu vos droits, vous ne croyez pas non plus, vous avez un soi-disant droit de regard, mais enfin bon, faut arrêter, quoi. Je veux dire, le type aussi, bon, il a fait le film. Oui, il faut vraiment le réaliser, enfin, je pense par exemple à Frank Miller, enfin, une bande dessinée, Frank Miller qui a réalisé avec Robert Rodriguez. Voilà, en fait. Voilà. Ouais. L'auteur de la bande dessinée, pour ceux qui ne connaissent pas, on réalisait avec le metteur en scène de cinéma. Mais Sin City, c'est vraiment très proche de la bande dessinée. Enfin, qu'on aime pas le film, moi j'ai adoré, mais c'est vraiment, graphiquement, il y a une forme de génie là-dedans. De toutes ces activités d'écriture qui sont les vôtres depuis quelques années, Benoît Dolpin, laquelle vous éclate le plus? Ah, alors là, bizarrement, j'ai beaucoup écrit, effectivement, mais depuis qu'on a traité au cinéma avec Gustave, je trouve que la réalisation, ça va beaucoup plus loin, quoi, parce que enfin, on peut, une atmosphère se crée là, vraiment là, en fait. C'est pour ça que l'adaptation d'écrit, c'est pas du tout évident. Et là, ce qu'on fait, c'est extraordinaire, parce que c'est autant de l'écriture, c'est tout le tournage, là, on a tourné en un mois comme des fous, mais c'est toujours en progrès, on change, on vire des scènes parce qu'on n'a pas le bon accessoire, on change, on prend, enfin, l'actrice devait être dépressive, on se rend compte que c'est pas possible, toc, on l'a fait jouer une américaine complètement folle, dingue, en jouer, mais on peut le faire parce que c'est des petits moyens et qu'on est dans nos copains, quoi. Non, mais je veux dire, mais ça, c'est beaucoup plus intéressant encore que l'écriture, franchement, quoi, parce que ça, on côtoie plein de problèmes et plein de gens, surtout. Petite parenthèse, pas facile à adapter les bouquins de Maurice Dantec, hein. Oui, mais personne n'est obligé de vouloir les adapter. Non, c'est vrai, mais pas facile pour ceux qui se lancent. Donc, pas facile, je reconnais. Oui. Benoît Dolpin, comment expliquez-vous le succès, là encore, je vais utiliser le même mot, presque culte déjà, de Groland sur Canal? Parce que le affreux, sale et méchant, c'est ce qu'il y a de meilleur? Ah non, en fait, avec Moustique et toute la bande, ça va faire plus de 10 ans qu'on fait ça. On ne sait faire que ça, d'ailleurs, malheureusement. Donc, voilà, non, nous, on n'a pas bougé. Mais en plus, c'est assez marrant parce que c'est une émission. On a même le droit de vieillir puisqu'on n'a que des vieux autour de nous. Donc, nous, on peut aller jusqu'à 70 ans. Ça ne déparera pas du tout, quoi. Au contraire, on a tout de suite tapé très, très haut là-dessus. Vous connaissez Kemar? Vous connaissez Groland? Maurice Dantec, vous connaissez? Il y a plein de gamins. Ah non, malheureusement, c'est Canal+. Au Canada. Mais Canal Plus n'est pas diffusé par TV5. Donc, bon, désolé. Dommage. Ça, non, sur Internet, c'est à vos patrons de régler le problème. Sur Internet, oui, effectivement. Ah, sur Internet, oui. Mais bon, petite fenêtre. Oui, enfin bon, je pratique pas ce genre de choses. Pas très confortable. Parfois, ça me fait penser à du Jean-Yann, voire à du Reiser, Groland. Ça vous va comme... Je sais pas. Je c'est-à-dire que... Si dans le comment côté... rougir à la radio. Voilà. Peut... Dans le côté affreux, sale et méchant... Non, mais c'est un peu... Les films de Jean-Yann, c'est eux qui nous ont donné envie de faire ce qu'on fait aussi. C'est ça aussi, les passeurs, génération en génération. Ben, nous, on espère effectivement donner envie à plein de gamins de s'y mettre aussi par la suite. Mais effectivement, eux, ils font partie de nos références. De la musique, Benoît Dolpin. Car il faut que je vous dise que cet instant bleu se termine, messieurs. Oh, merci à tous les trois, et si, merci messieurs. Non, je voulais dire quelque chose, en y pensant ce matin. Je suis dans le mur. Non, j'étais dans le métro, j'ai tout de suite cette évidence en pensant que j'allais te voir, etc. Ouais. Je me suis dit, mais enfin, franchement, les religieux, les prophètes, c'était des écrivains de science-fiction. C'est évident, mais... S'il vous plaît, je vous implore, Maurice Dantec. Nous emmener dans un monde extraterrestre, en tout cas. Donc, la religion n'est que science-fiction. Ne répondez pas, je vous en prie, je vais me faire gronder, on va exploser le timing. Je vous remercie, je rappelle que le 5e roman de Maurice Dantec, Cosmos Incorporated, est en vente chez Albin Michel. Maurice Dantec, vous serez aussi l'invité de Frédéric Bonneau sur France Inter, si je ne m'abuse, dans Charivari, lundi prochain à 18h. Et Frédéric Bonneau aussi, c'est du direct, Maurice Dantec, donc il n'y a pas de coupe. Le nouvel album de No One Is Innocent s'intitule Suerte. Ça sort le 19 septembre, si je ne me trompe pas. Et vous jouez à l'Olympia le 10 octobre. La date est calée. La BD Code Killer, écrite par Benoît Delpine et illustrée par Stan et Vince, est bientôt dispo. Cet instant bleu était réalisé par Bruno Carpentier. C'est Aceto et Sophie Rimbaud m'ont aidé à le dessiner. Djoubaka en a programmé la musique. À la technique, il y avait Julien Chabassu et Antoine Viossa.